שכולנו אינו כי גרי לא קורו איזה שכולנו אינו כי דליב על איזו פרימה aux rouges crates. L'éternel est le soutien de ma vie. Ne crie aux rouges peurs quand le méchant s'avance contre moi. Il chancelle le temps quand le méchant s'avance contre moi. Il chancelle le temps. D'amour, nous sommes les enfants de de la paix. Nous sommes nés de l'esprit du vent qui souffle de l'Orient vers l'Occident pour nous révéler la parole de vérité d'amour. Se laisse vivre jamais.